Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas du Virginie Despentes, ça, là. C'est du Michel Tremblay. C'est une chanson beaucoup trop véhémente, trop urbaine, quoique Michel Tremblay aussi, c'est dans la même... Dans la même sauce. La sauce. Mais la sauce, la béchamel. Non, la même enveloppe. La même structure. Mais Virginie Despentes, c'est beaucoup plus aride. Michel Tremblay, c'est plus populaire. Là, je ne suis pas venu ici pour rien, moi. Là. Mais non, monsieur Stéphane. Appelez-moi Stéphane. Oh oui, monsieur. Ben, on ne vous a pas appelé Germaine. Merci. Appelez-moi pas Germaine. Mes études d'art théâtre. Ben, j'ai fait du théâtre, oui. Où ça? À El Teatro. Oh, en Italie? Non, à Limoilou. Ça s'appelait El Teatro. Oui, c'était des cours plus que privés. OK. Avec une professeure... plus que, qu'étrange. Oh mon Dieu! Et lorsqu'elle rentrait, parce qu'elle rentrait, elle entrait par où? Mais par la porte. Ah, c'est bon ça. Ah, mais ça, c'est classique. C'est pas comme du Johnny Hallyday qui entre par les toits, par les cheminées. Ça, c'est le Père Noël, la cheminée. En tout cas, par les toits. Dans une main. Qui sort dans une main. Qui apparaît dans un ascenseur. Non. J'ai fait mes cours classiques, shakespeariens, Molière-esque, c'est pour ça que j'attends nos deux étudiantes parisiennes, là. Où est Sophie Parel? Où est Marie Manchin? Où sont-elles? Eh bien, elles sont arrivées. Ben oui, depuis hier, on m'a dit que oui, leur avion était bien atterri. Elles avaient une chambre à deux dans un hôtel québécois au château Frontenac. Oh, ils n'ont pas pris. Non, elles n'ont pas pris n'importe quoi. Et là, on les attend. Là, on ne sait même oui, pas. Mais ça ben, on sait même. Ça, c'est une squin, ça. J'ai pas dit une gwin, j'ai dit une squin. Vous êtes une rapporteuse, vous, hein? Non, ils ne sont pas. Ben oui, non, elles ne sont pas arrivées, non. Vous étudiez en art dramatique, vous aussi, vous êtes inscrite? Êtes-vous capable, au moins? De nous amener quelques tirades. Exemple. Lequel? Ben, Michel Tremblay. Bonjour là, bonjour. Vous ne connaissez pas Michel Tremblay, vous, hein? Non, ils ne sont pas arrivés. C'est pas du Michel Tremblay, ça. C'est du Rénal Gagné. Pas très populaire, ça. Pas connu. Très obscur, étrange, venu d'ailleurs. Et là, nous allons nous baser. Nous allons commencer. Arrêtez de dire, oui, je me répète. Devant l'énervement, je peux être un perroquet. C'est normal. Tout est normal dans le chaos. Il faut s'attendre à tout. Et tout arrive, qui sait s'étendre. Mais là, nous allons nous allonger sur une tirade de mon ami Henri Miller, une citation d'Henri Miller. Et écoutez, Sophie Parel et Marie Menchin, lorsqu'elles seront là, ben, elles seront là. Hein? On peut... Ben oui, madame. Restez dans le coin. Vous êtes habillé comme... Pourquoi on vous a pas indiqué là, d'être en rose bonbon? Des vêtements beaucoup trop serrés sur votre corps. Nous allons faire là, nous allons nous épivarder. Nous allons faire de l'expression corporelle. Nous allons nous exprimer à travers notre corps et notre bouche. Vous êtes habillé comme une sardine. Pas parce que vous faites de l'embonpoint, c'est merveilleux pour vous. Nous avons peut-être le rôle approprié. Oh oui, vous ferez Kate Moss à 63 ans. Kate Moss à 63 ans, c'est pas bon, hein? C'est la l'imagination trouve, oui. Ah, oh, je suis versatile, moi, je verse vers là, je verse vers ci. Non, jamais à Bercy, on m'a jamais accueilli à Bercy. C'est trop grand, vous savez, les salles, moi, là. Ah, je suis très propre, là, mais mais c'est que lorsque c'est trop nombreux, les gens sont collés, puis on peut savoir si l'autre s'est lavé la veille. Ok, c'est bon. Alors, nous allons prendre cette citation, bref, mimée. à la manière de merci beaucoup, oui, c'est moi. Appelez-moi Stéphane. Professeur d'art dramatique, connaissance générale dans toutes les stratosphères dramaturgiques. Je peux faire le soleil. Je peux faire la lune. Je peux faire l'automne. Je peux faire l'hiver. Je peux faire la pluie. Et je peux faire l'oiseau. C'est l'oiseau! Merci, merci. Mais nous allons pas faire tout ça. Mais je voulais vous montrer quand même toute ma... Les versets sataniques de Salman Rushdie. Il dit un jour, « Démoniaque seras-tu à travers le toit trop pointeux, le ballon crèvera et moi aussi. De mon encre séchée, cachée derrière le livre, on me livrera au loup. Il chantera pour vous. Les loups, boum, les loups sont rentrés par Paris. Soit par ici, soit par Ivry. Les loups sont entrés vers Paris. Wow, wow, wow, wow, calmez-vous. Chanter, petite Elvire, les loups sont entrés par Paris, soit par ici, soit par là, toi par là, toi par là, toi par là, toi par là, toi par là, c'est moi succès, hein? Toi par là, toi par là, vas-y, dis, touche-toi là, touche-toi, dis, touche-toi là, couche-toi, dis, mouche-toi là, là, là, là, les loups, wow! Non, c'est pas les loups de monsieur. C'est du Henri Miller, une citation de monsieur Henry Miller. Et nous mimerons, je mimerai, regardez-moi, c'est moi l'artiste, appelez-moi Stéphane. J'ai fait de nombreuses rencontres dans ma vie. J'ai perdu Gérard. Dans un taxi à Tombouctou, il cherchait la valseuse, il rencontrait la pisseuse, Madame Pipi. La grande classe de Gérard, c'était de pisser sur elle. Ça lui a coûté 350 balles qu'il m'a tiré. Des balles de ping-pong, là. Ping-pong, ping-pong, l'ambulance, ping-pong, ping-pong, ils l'ont embarqué, il a pris les prisonniers. En pleine nuit, une sirène, il y avait pire. En tout cas, cette semaine, non, c'est pas ça. Le gars connaît son émission, il est prêt. Cette semaine, il s'agit de prendre du compte. Non, non, non, non, non, calme-toi. Calme-toi, respire par le... Bon, fais ça. C'est pas le temps, le port pas, c'est l'introduction. Il est bon, lui, il est pompé à bloc. Les loups! Non, c'est Henri Miller. Il suivait l'art dramaturgique. Certains sentent la pluie. Vous entendez la pluie? Alors, nous allons la mimer. Écoutez-moi, je mimerai. Je m'imaginerai une goutte de pluie et contempler le chef-d'œuvre que j'exécuterai devant vous. Oh, exécutez-moi ça! Oh, merci. Alors, nous y allons. Certains sentent la pluie. On a des courts-circuits. Non, c'est la pluie. Ah, OK. À l'avance, d'autres se contentent. C'est quoi ça? C'est se contenter. Vous connaissez rien au théâtre, vous, là. Vous voyez pas le raffinement de l'art à travers la bouche. Mais là, je sens absolument rien. Quoique, il n'y a pas de rince-bouche hein, qu'on peut vous envoyer par la... Par la quoi? Par la voix... La voix orale. La voix orale. Mais c'est la bouche orale, oui. Avez-vous réussi votre oral? Ah, les trois professeurs sont morts devant moi. Ouais, vous devriez changer de dentiste, hein? Trouvez-vous? Parce qu'on dit que les caries, là, même si vous brossez les dents, ça sent. Ça s'enlise. Oh! Et ça grise les autres individus. OK. Alors, contente d'être mouillé. Oui? Hein? C'est combien d'études, ça, ce genre de citation-là? Ah, c'est 4 ans et demi avec le grand Zamoyski Pintung, le russe, qui a fait ses écoles en Russie. Ben oui, j'espère. Avec le non moins gigantesque Arinstein Matstung. Oh! Et Tipi Minung, ça, c'est son frère. Son beau-frère, lui, il avait demandé de le remplacer parce qu'il y avait comme une conjonctivite au niveau des amygdales. Oh! C'était rouge, ça, là. Rouge. Rouge infernal. Il n'avait jamais vu ça. On lui a envoyé quelques gouttelettes là, de cette pluie à l'avance. Mais là, c'était beaucoup trop avancé, son affaire. Là, ça chaud, ça bouillonnait. C'était un volcan. Et ça faisait mal. À chaque fois qu'il éternuait, là, ça envoyait des flammes. Là, il se prenait pour un dragon. À la fin, il délirait, ce pauvre homme. Il délirait. Il était très pauvre. Hein? Il devait 250 $ au fisc. Il est pauvre. Puis là, il voulait réussir dans sa vie. Il dit, je suis un homme de théâtre. Mais t'es malade, toi? Ben oui, je suis un comédien, je suis très malade. Moi, je me décompose dans tous mes personnages. J'ai fait l'adultère. J'ai fait la concubine. J'ai fait la translucine. J'ai fait lucine. J'hallucine. Et puis ce soir, je termine ma vie ici. Hein, comme Molière! Comme lui, là. Qui ça? Auguste Molière. Auguste Molière, je le connais pas, moi. Je connais Auguste Grondin. Le petit crétin de l'autre. Et puis je connais la connaissance générale, puis à la demande générale, je ne la raconterai pas car elle est trop timide pour se faire entendre ici devant nous. Monsieur le Président, monsieur les patrons catholiques, mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à elles sont pas arrivées, là, les deux comédiennes, là, Sophie et Marie. Elles se feront taper les foufounes. Oh! Par le grand Stéphane. Parce qu'appelez-moi Stéphane. Oui, on va t'appeler Stéphane, mon Stéphane, merci. Si tu me nommes Jean-Pierre, je ne répondrai pas. Ben non, tu t'appelles Stéphane, mais merci. Comment ça, tu sais ça? Ben, je ne sais pas, hein? Nous non plus. Est-ce que vous, vous ne le savez pas? Nous non plus. Non? Okay. On vous a coupé? Aimez-vous ça? Vous faire couper comme ça, madame? Oui. OK. Vous êtes un oiseau? Oui. Bon. Volez-vous vers la gauche ou vers la droite? Oui. On dit souvent les directions aussi. C'est important. Faut pas qu'ils nous confondent avec la gouttelette de Henry Miller. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, Errance Rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. On n'a pas les bonnes feuilles. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe, Madame Tremblay? On a la madame ici. On n'a pas... Ah oui, on l'a. Ouf, on a eu peur, hein? Est-ce que c'est les bons? Oui, on a la bonne. OK. Aujourd'hui, le vendredi 19 octobre 2012. Ouh, j'ai eu chaud. Je me sentais comme la gouttelette. Pas très belle. Mais non, elle est lettre. Une gouttelette. Lettre. J'attends son courrier. Sa lettre. Oui, sa lettre. Au bout du timbre. Aujourd'hui, j'ai rencontré le vendredi de ma vie. 19 octobre 2012, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Et c'est la première fois là, que je vous ferai entendre une pièce de théâtre que j'ai captée, en fait, très court extrait, même pas 1 minute 30. Mais nous y reviendrons. C'est bon, ça? Ouais, ça, c'est du trailer, là. Qui? Trailer, triler, trileux, trili, traler, trilou, trili, trala. Trililang, triler. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. T'as-tu entendu la réalité? Oui, ça a glissé dans le coin. Ça a fait comme un 360 degrés à travers le 68e tour de l'infernale transaction langagière. Et qui est le gagnant? C'est pas réel. Non, c'est Stéphane. Parce que... Appelez-lui, s'il te plaît. Appelez-lui un taxi. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de deux actrices. C'est la première fois qu'on rencontre deux personnes en même temps, là. J'ai dit en 2012, on fait ça à deux. Avec moi, ça va faire trois. On fait ça à trois. Hein? Pas peur, moi. Ah ouais, mais deux, c'est pas assez compliqué. Trois. Ah ouais, trois, je suis capable, trois. Capable. Ben, wow. L'année prochaine, on verra peut-être quatre. Un gars, quatre filles. Non, c'est un gars, trois filles, ça fait quatre. Ah, un gars, trois filles. Pour nous envelopper, nous sommes autour de deux actrices, Marie Manchin et Sophie Parel, qui donnèrent à la pièce de Michel Tremblay, créée en 1971, j'ai dit 71, oui, une vision particulière. Marie Manchin débute le théâtre très tôt et décide rapidement d'en faire son métier. Formée à l'école de vélo-volé par François Hanvan et au Québec, elle est actuellement comédienne au sein de la compagnie Acte en scène, également titulaire, oui, parce qu'elle a étudié, je vais vous le raconter un peu plus en détail, même elle relatera tout ça, à l'Université Laval en théâtre. Oui, monsieur, oui, madame. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire à propos de ma belle Marie, c'est qu'elle elle est sublime. Également titulaire d'un master en études théâtrales, elle s'intéresse à toutes les facettes des métiers de la culture. Praticienne de danse et depuis peu de chant, elle souhaite toucher à tout. Elle m'a touché au cœur, donc ça a déjà bien commencé. De son côté, Sophie Parel a suivi une formation à l'école de théâtre, à l'école au chant et à la danse au cours Jean Darmel, ainsi qu'à l'école de théâtre des Enfants Terribles. Elle a travaillé avec Fabrice Eberhard, Lève Dodin, ou encore Jean-Luc Jenner, passant entre autres les planches du théâtre à l'opprimé à celle du chevalet. Le cinéma et la télévision ont fait appel à elle avec Costa Gavras, non moins connu, vraiment le grand Costa Gavras, dans Eden à l'Ouest. C'est qui ça? Non, j'ai pas dit Beden, j'ai dit Eden à l'Ouest, le film très intéressant de mon ami Costa Gavras. Jacques Maillot dans Les liens de sang. Nous pouvons également la voir dans de nombreux téléfilms et courts-métrages. En juillet 2012, Errance Rénaldienne se trouvait là à Paris avec ses deux femmes. Ou ses deux filles, je préfère dire deux filles, moi, ça. C'est intemporel. Un voyage chargé, oui, monsieur, oui, madame. Rock the house in. Rock the house in, rock the house in, rock the house in, rock the house in, rock the house in, rock the house in, rock the house in, rock the house in, rock the house in, rock the house in, rock the house in, rock the house in, rock the house in, rock the house in, rock the house in. We'll be right back. Bonjour à vous deux. Bonjour. À l'origine, j'avais juste parlé avec Sophie, mais tant mieux si tu te rajoutes à cette rencontre. Ah ben moi, j'étais pas au courant. Non, OK. Donc, Michel Tremblay vous est arrivé. Est-ce qu'on vous a proposé Michel Tremblay ou si c'est vous qui avez... Alors, en fait, c'est Christian... moi, en fait, j'ai rencontré Christian Bordeloup, le metteur en scène. Québécois, qui promeut le théâtre québécois depuis une trentaine d'années. En France, ouais, tout à fait. En fait, j'ai rencontré sur une audition d'un autre texte, pas du tout québécois, français. Et j'avais été prise à l'audition et j'avais dû refuser parce que entre-temps, j'avais été prise sur un autre spectacle. Okay. Donc, on était restés en contact et un soir, on avait dîné ensemble et on avait parlé de théâtre québécois. Et moi, à cette époque-là, je lisais énormément de théâtre québécois. Ah oui? Ouais, énormément. Bah, Fréchette, Marc-Michel Bouchard, Michel Garneau. Donc, j'étais très sensible. Voilà. Ouais. Bah, j'adore, je sais pas. S'est trouvé comme ça. J'ai commencé une pièce et puis... moi, je vais prendre un thé vert à la menthe, un vrai avec de la menthe. Moi, je vais prendre un café. Moi, je vais prendre une limonade. Une limonade, c'est ok. Et donc, oui. Et donc, ben voilà, c'était un sujet donc, qui nous était très... Voilà, qui nous a un peu rapprochés. Et donc, on était sur la même longueur d'onde. Et donc, quand il a décidé de remettre sur la table son projet de « À toi pour toujours, ta Marie-Lou », parce que ça faisait longtemps, en fait, qu'il avait ce projet-là. Ça faisait au moins 10 ans. Il avait commencé à la voir avec celle qui joue Marie-Lou, Cécile Magnier. Okay. Et donc, quand il a remis ce projet sur la table, il m'a contacté, il m'a demandé si je voulais bien faire le rôle de Carmen. Et c'est bizarre parce que toi, tu étudies à l'Université Laval. Oui. Et donc, le lien s'est fait tout seul ou si parce que tu étais une Française au Québec, on est venu te recruter du fait que tu étais... Alors, pas du tout. Okay. En fait, moi, la toute, excuse-moi, toute c'est les première fois... Parce que ça fait 32 heures que je n'ai pas dormi, donc j'arrive de Québec. Voilà, la toute première fois que j'ai rencontré Christian, c'était au Festival d'Avignon en 2009, je crois. Okay. Mais c'est parce que j'ai été assistante mise en scène sur Les Feluettes de Michel-Marc Bouchard. Et le spectacle est venu à Avignon. Et du coup, je suis allée les voir à Avignon aussi. Et là, ils m'ont présenté Christian. Et puis, on ne s'est jamais revus. Et puis, j'ai passé une audition pour un autre spectacle, mais pour sa compagnie amateur. Et il m'a dit non pour ce spectacle parce qu'il avait un autre projet et il s'est trouvé que c'était Marie-Lou. Donc il m'a proposé le rôle de Manon le même jour, en fait, le jour de l'audition. Ça fait 2 ans à peu en près. En fait, ouais, ça fait 2 ans que ce projet vraiment a été mis en selle. En fait, on a fait plusieurs lectures dans des théâtres. Et en fait, dès le premier théâtre, le premier théâtre c'était la Manufacture des Abbesses, on a été accepté. Et puis pour des histoires de production, parce que quand même pour monter un spectacle, il faut de l'argent. Pour des histoires de production, on a dû refuser la proposition. Donc on a proposé à d'autres théâtres comme le Petit Saint-Martin, comme la Polythéâtre. La première lecture c'était au Petit Saint-Martin. Ah, c'était ouais. Au Petit Saint-Martin. Et eux ils étaient très intéressés et oui. Finalement ça s'est pas fait, on sait pas trop pourquoi non plus. Oui, il voulait nous programmer, mais c'était très indécis. Il ne nous disait pas quand. Voilà. Il disait, on va vous programmer. Vous avez déjà préparé ou si vous aviez... Les lectures... On avait préparé beaucoup les lectures. Parce que c'est un texte quand même qui demande une préparation, même en lecture. Donc on avait beaucoup préparé les lectures, mais bon, le gros du travail, on l'a fait une fois qu'on a été pris dans... À la Folie Théâtre. Une fois qu'on a su. Là, ça a été 2 mois de répétition. Mais là, à Avignon, allez-vous faire un changement ou si vous allez garder la même mise en scène? Ah oui, pareil, la même scénographie. On garde ce spectacle-là. OK, et la salle va ressembler un peu à celle-là parce qu'il ne faut pas que ce soit. On ne sait pas. On ne la connaît pas, cette salle-là. C'est l'Essaillon Avignon. C'est près de la place des Carmes à Avignon. Mais je crois que c'est une salle qui est bien. C'est une boîte noire aussi, pareil qu'à la Folie Théâtre. Donc, sensiblement, ça va donner la même chose. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que ça ne prend pas grand-chose pour améliorer l'environnement. Voilà. Il y en a qui essayent des flop-là, des éclairages. Voilà. C'est une scénographie très simple, très épurée, très efficace et très frontale. Et donc, voilà, ça devrait être la même chose. Après, l'acoustique, on ne la connaît pas dans cette salle. On va voir. Mais bon, apparemment, il paraît que c'est une très bonne salle. Mais ce qui reste, c'est Michel Tremblay, c'est son univers. Est-ce que vous... laisser comme message qui transparaît, qui soit le public. Moi, je regardais la réaction un peu des gens, j'étais en haut. Et ça riait aux mêmes places que je riais. Donc, ouais. C'est encourageant. Ouais. T'es pas obligé d'être québécois pour apprécier, pour aimer. Ah, mais complètement, oui. On entend que de toute là, depuis le 3 novembre, en gros, et les rires arrivent généralement toujours aux mêmes endroits. Après, il y en a qui s'ajoutent. J'ai vu Prology en spectacle à Baie-les-Bains il y a de ça 3 ans. J'ai trouvé que c'était un spectacle superficiel. Les effets spéciaux étaient là, mais... Puis j'ai vu aussi le spectacle de Camille le même soir, puis elle avait l'air très fatiguée. Ben, en fait, elle en avait ras-le-bol, je crois, cette journée-là. Elle ne voulait pas être sur scène. Puis Didier Wampas avait chanté avec elle. Parce qu'elle lui avait demandé de faire une chanson... Janine sur scène avec elle. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Tout ça, là, c'est vrai. Là. Du plus loin qu'ils me reviennent, histoire de mes amours anciennes. Oh, j'avais besoin de vous. Que le diable vous emporte. Ah. Ouvrons, ouvrons. Heureuse, je m'en allais loin de vous. Ouh. Oui, je vous fus infidèle, mais vous revenez quand même. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vous. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Elle est venue du ciel. De la stratosphère. De Mars, et ça prend 9 mois pour se rendre à Mars. 9 mois. Ben oui, 9 mois, pas de... Hey. Non, mais les gens se disent, c'est tout près, hein? Je la regarde là dans ma lunette d'approche. Ben oui, rapproche-toi avec ta main, tu vois, essaye de toucher à Mars. Là, ils ont ramené 3-4 martiens, là. Puis une martienne. Hey, je pense que c'est une, comment tu les appelles, des, pas des lunatiques. Là. C'est une ludicienne, patricienne. Une péripatéticienne martienne. Ah, oh, mon Dieu. Hey, là, moi, je l'ai engagé. Quand j'ai vu le coup à faire avec ça, là, j'ai dit, premièrement, t'es pas très joli au départ. T'as le temps... Ben, c'est normal, t'as le temps vert, là. Tu viens de Mars. Je m'en vais t'employer dans mon entreprise et tu seras une vedette. Tu deviendras, j'ai bien dit, tu deviendras la deuxième populaire... Comment? Et qu'est-ce populaire? La plusième, la voyage, c'est Mereneris Aranamaran, parce que c'est une martienne. Il faut parler en martien. Et là, elle m'a dit, oh, oui, Narener Amour. J'ai dit, ah, Reneren. Mereneris Aranamaran, Renerifin. Là, elle m'a dit, ah, moi, t'as rien. Ah, non, j'ai dit, ah, hé, va. Mélanistai, Alonoi, Aranman, Lanistai. Elle m'a, bien sûr, elle rétorqua. Comment? Elle enleva son parka et il me rétorqua. Elle n'avait pas un parka, elle avait une robe. Elle l'a jamais enlevée, elle l'a gardée parce qu'elle t'a dit « Rana marineriha, amerariha, hiha ». Et moi, frustré, comme un bison, fâché, comme une brebis galeuse, violent comme une souris, qui ne cherche plus son fromage car elle sait qu'on rit d'elle. Ridelle, c'est une sorte de fromage, ridelle. J'ai jamais entendu ça. Ben oui, une ridelle. T'as jamais dit, ah, oh, je mangerais bien une bonne ridelle. Non, mais je rirais bien d'elle. Ah, oh, mais rirais bien. Oui, mais ça, c'est bizarre. Mais la martienne en question est arrivée devant son... C'est pas un scénario, c'est quoi? C'est un impresario. Non, je savais que ça finissait en haut. Là, à force de voir de l'eau dégouliner vers le bas, c'est très bon, ça. Quand tu vas voir ça dégouliner vers le haut, tu m'appelles, OK? J'ai un psychiatre à te proposer. Et ce psychiatre-là va te hanter jusqu'à la fin de tes jours. Parce qu'il te dira, l'eau ne descend pas vers le haut. L'eau descend vers le bas. Sinon, on dirait que l'eau monte vers le haut et non pas l'eau descend vers le haut. Eh, monsieur, il a donc mal de tête. Voilà, là, il est quelle heure? Il est minuit 43. Minuit 42. 42. Eh, mal à la tête. Avez-vous mal, madame? Ah, mais il n'a pas de tête, lui. Il ne poule pas de tête, lui. Mais moi, j'ai mal à la tête. Là, à force de parler avec la martienne, tu sais, c'est... Puis eux, en plus, elles, tirent des ondes. Moi, je les vois pas. Moi, je suis pas habitué. Pas martien, moi, là. T'es un terrien. Un terrien qui se terre. Je me terre dans l'underground. Ça, c'est plus souterrain encore que les humains. Je veux rien savoir des humains, moi. Plus je suis profond, plus je suis heureux. Plus je descends dans le creux, dans la bouette. Dans le sable mouvant. Pour moi, ça m'émeut pas, le sable mouvant. Je me plonge là-dedans comme dans une piscine. Là. Puis là, je me dis, dans ce pull marine, comme Marlene Marine, je me vois s'étiller. Et puis là, je me sens un peu comme le parolier de Adjani. Serge Gainsbourg, qui est sur le bord de la dépression en disant hey, « Isabelle, accepte-moi ça. Accepte-moi ce texte-là. Là. C'est le meilleur. C'est... Je ne l'ai pas écrit pour Jane, je l'ai écrit pour toi. » Là, Adjani réplique « Ah, ça sent le Jane. » Comment ça sent le Jane? Ça sent pas le Jane? Ça sent le gin, oui, mais pas le Jane. De Jill au Jane ou est-ce l'inverse? Je me suis pété la gueule. Je recommence. Oui, merci. Action! On n'est pas au cinéma. Oh, oui, action! De Gin au Gin, de Gin au Jane, Gin au Jane, Gin au Jane. Donc, troisième prise, dernière prise. On n'a plus de budget, là. Il nous reste 3 mètres de pellicule et c'est maintenant que ça se passe. OK, action! De Gin au Gin, ou est-ce l'inverse? Je me suis pété la gueule au Ginger Ace et au bout du compte, je me verrai de comme le maître Asberg à Norman Larnerstang. C'est merveilleux. On a tout compris. Le public est là devant toi. Il t'applaudit. Ils n'ont rien compris. Ils balbutiaient. C'était incompréhensible. C'est étrange. C'est comme une émission d'errance rénaldienne. De Jane au Gin, ou est-ce l'inverse? Je me suis pété la gueule au Ginger Ale. C'est au bout du compte, je me verrai amer comme le roi de Perse Extaxerxes. Merveilleux. Quand il se fâche, le comédien, il est merveilleux. C'est comme Jean Gabin. Il faut que Jean Gabin soit tabou pour nous donner. Lino Ventura, c'est la même chose. Lino. Lino. Quand tu vois de son museau sortir quelques vapeurs, tu dis, hey, là, il est prêt. Si tu dis pas action, là, il va te foncer dessus. Et s'il te fonce dessus, tu seras sans dessus-dessous. Dessus-dessous. Tu seras dessus. Et lui, dessous. Mais il vaut mieux qu'il soit dessous que dessus. Enfin, bref. L'absurde aventure, c'est incompréhensible. Comme on l'aime. Avec 2 doigts de vinaigre. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. On appelle ça du révélateur. Donc, du fixateur en photographie. Le vinaigre, c'est un fixateur. Ça empêche de faire jaunir la photo quand tu mets du papier photo. Noir et blanc, bien sûr. Professionnel, moi. Je fais de la photo depuis 17 ans, noir et blanc. J'ai un Pentax Comic. J'ai un Pentax Comic. Non, c'est pas Pentax Comic. Un Pentax Comic. Excuse-moi, là. C'est moi qui te l'ai vendu. Oui. C'est un Pentax. Oui. Comil. Ah, c'est pas comique. Non, c'est pas comique du tout. C'est Comil. Comme il se doit. Il prend des photos. Oh, c'est bon. Il sait déjà sa mission. Ben oui. Il fait clic-clic. Ah, c'est pour ça qu'il fait clic-clic. Ben oui. Comme il se doit, il prend des photos. Comme il, Pentax, comme il. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Ça, c'est totalement analogique, manuel. Moi, j'aime ça, tout ce qui est manuel. Ça demande une manipulation. Hein. Quand tu manques de manipulation, là, on dirait que t'es illettré au niveau artistique. Faut laisser les doigts bouger. Sur une trompette, sur une flûte, sur un appareil photo. Surtout, ce qui veut bien se laisser toucher. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Qu'est-ce que tu veux dire? Toucher la tortue. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres. Diégétique, votre itinéraire engagé, Rénal Gagné. Là, c'est un atelier d'improvisation. Donc, à partir de maintenant, on improvise. Avant ça, c'était quoi? C'était de l'improvisation. Puis là? C'est de l'improvisation. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charbikovski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Hey, c'est tellement bien dit avec l'articulation, merci. Il suffit de mâcher de la gomme. Et là-bas, on dit de la chewing-gum. Ici, c'est de la gomme. C'est vrai. Alors, la première phrase, c'est « En général, Maggie se mettait à jouer les nocturnes de Chopin au coucher du soleil. » C'était normal parce que pour elle, c'était, ça coulait de source. C'était quelque chose qui n'était pas préfabriqué. Donc, coucher de soleil, nocturne de Chopin. Ma grand-mère disait... Ah non, il va le... Oui. Ma grand-mère disait... Ah, pas encore. Oui. Toujours. Et entre nous, et disons à haute voix, devant le chaos radiophonique qu'il se doit, qui se bras, non, c'est un doigt, deux doigts, qui s'est à deux doigts de tomber dans un silence bien mérité pour nos oreilles, pour vos oreilles et tout le reste. Les nerfs asiatiques. Et bien certain que plus tu manges du riz, plus ton nerf asiatique va couper là, ici. Là, c'est bien beau avec la baguette, là, mais le batteur, là, le joueur de batterie, là, Phil Bobbin. Hey, c'est lui. It isn't tonight, oh no. It isn't tonight, oh no. Il rend sourd, hein, Phil Bobbin. Il débobine, mais il rabobine jamais. Il n'est plus capable de rabobiner. Puis là, il est... Il fait des spectacles partout, à guichet fermé. En fait, on ferme les salles pour pas que les gens entrent. Hein. Il est déjà rendu à... Il est terminé, lui. Il fait tout le temps ça. Il rentre dans un grand sarcophage, puis il sort dans un théâtre vide, puis il fait... Ah, non, il voit plus clair, en plus. Là, il met des applaudissements... Des faux applaudissements, c'est des enregistrements. Il s'imagine dans une salle de 3000 personnes, il voit rien, il entend rien, il voit plus rien. Il est merveilleux, merveilleux. On le sort en civière, puis là, il est couché. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il fait ça depuis 12 ans, là, maintenant. C'est pas pathétique, c'est humoristique. C'est un spectacle d'humour. On est impresario rit parce qu'il fait de l'argent. Puis, ben oui, il a envoyé ça sur des sites Internet. Il vend ça. Il dit, hey, c'est le grand Phil Bobbin. Hey, c'était pas celui qui était dans le groupe, là. Zeus, là. Moses, Dedus, Medus, Podus. Prédinus, Lonus. Non, c'était Beninus, Paulus, Tecolus, Reptus, Petrus. C'est pas aussi long que ça, là. C'était un mot facile. On disait, je vais avoir un billet pour. Jiménez, c'est ça, c'est Jiménez, Phil Bobbin, Jiménez. Tonight, hein. Mais Maggie, elle, c'est pas ça, elle, c'est le prélude de Chopin. Toujours. N'importe quand. Surtout quand c'est la fin de la journée. On dirait que ça titille en elle. Parce qu'elle se souvient, elle a été traumatisée parce qu'avant qu'on enferme Phil dans des sarcophages, qu'on sort dans des théâtres vides, dernière fois qu'on l'a présenté devant le public, elle était là. Elle s'est dit, je vais devenir comme ça. Je suis anéanti. Et je vais jouer ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping. C'est une nocturne de Chopin. C'est ping, ping, ping. Non, ça, c'est la nocturne de Rimbin. Oh non! Et tu sais, c'est la nocturne de Rimbin? Pas Robin, Robin, Rimbin, Rimbin, Bobin, Bobin, débobine. Débobine le fil, puis on va écouter ça. C'est pas Bobin, ça, c'est vrai, monsieur. Oh, et la phrase de Phil Bobin, c'est pas de Phil Bobin, c'est Nocturne indien. Ah, mon Dieu, de Maggie qui chantait la Nocturne de Chopin. Le titre de la nouvelle de Bukowski, c'est... Et ça, ça donne mal à la tête. C'est pour ça que son... Il l'intitula le tout... Affaire de tête. I was born Cape Away, Holloway. In South Australia, round Cape Horn. We're back for South Australia. Yeah, Holloway, you rolling cape. Cape Away, Holloway. Holloway, you land. des rires très personnels. On sent qu'il y a du vécu dans, ouais, dans ce rire-là. Voilà. C'est du rire qui s'identifie, quoi, vraiment. Et puis des fois, c'est aussi les expressions québécoises. Oui. Puis je suis sûr qu'il y a des choses comme, tu dis photopolis, hein? Photopolis, non. Allopolis, c'est le père qui parle d'Allopolis. Okay, Allopolis, parce que Photopolis, c'est la même compagnie. C'est, mais je ne sais pas si les Français vont faire le lien avec le journal La Sensation de meurtre. Et de... Bah, ils font, je pense qu'ils font quand même plus ou moins un lien. Si nous, on l'a compris, je pense que les... parce qu'ils disent, c'est pas encore aujourd'hui que je vais tuer ta mère. On ne fera donc pas la couverture du Allopolis. Okay, okay. Donc en fait, les gens, nous, en France, on a un journal qui est à peu près pareil. Okay, voilà. Et donc je pense que les gens, on le lit pas forcément, mais on voit la couverture de temps en temps. Donc les gens, ils comprennent, ils font le lien. C'est des meurtres et oui, enfin. Mais Steinberg, comment ça s'est produit? Pourquoi vous avez gardé Steinberg? Parce qu'il était dans le texte et qu'on comprend mais que c'est gens, un. On comprend, un supermarché. Que c'est un supermarché vu qu'elle dit qu'elle n'a pas envie d'aller acheter de la viande là-bas. Ouais. Au départ, Christian Bordelot, il a vachement poli la langue pour que justement ce soit beaucoup plus accessible au public français. Et puis au fur et à mesure des répétitions, il a réinjecté le joual, le québécois, et au maximum les expressions. Plus vous étiez à l'aise avec Michel Tremblay, plus finalement on s'est rendu compte que ça passait très bien et au contraire que ça avait toute l'identité, toute la saveur, tout le caractère de l'écriture était là, quoi. Donc on l'a gardé au maximum. Au maximum. On a vraiment essayé de pas trop lisser les choses, quoi. Et est-ce que ça vous surprend que Michel Tremblay soit compris, soit aimé dans cette pièce-là? Parce que quand on prend une pièce de Michel Tremblay, on se dit, on va essayer, on va regarder, on va voir ce que ça va donner, mais on ne sait pas. Hein, vous êtes des Français, donc vous avez vu Québec, peut-être... Aviez-vous peur de la réaction ou au contraire? Parce que vous, en le jouant... Nous, on savait que c'était une pièce géniale et magnifiquement écrite. Ça, on le savait, il n'y avait aucun doute là-dedans. Là où on se posait des questions, c'est est-ce que les gens vont rire? Parce que c'est une pièce, c'est une tragédie, quoi, c'est très noir. C'est pas tout à fait drôle. Et en fait, le jour de la première, il y avait plein de rires, quoi. Mmh. Et là, on a été surpris. Okay. Et on s'est dit, bon, c'est super, parce que ça met un contrepoint. Et surtout que le metteur en scène est québécois, donc il a pu doser, lui, et comprendre... Lui, il savait que ça allait rire. Mais nous, on doutait. On n'arrivait pas à le croire, parce qu'on se disait quand même... Bon, après, il y avait une ou deux phrases où on était sûr quand même, de certains rires. Quand il parle de la chambre, où ils vont mettre la chambre du prochain bébé, et qu'elle lui répond, quand il dit... Il dit, c'est grand comme ma gueule. Et qu'elle lui répond, si ça serait grand comme ta gueule, on pourrait ouvrir une école dans notre chambre. Ça, on savait que ça fonctionnait parce qu'elle a une manière de le dire aussi. La phrase est au très bon endroit. Elle a un rythme bien à elle. Elle est parfaite et la manière qu'elle a de la dire, c'est juste. C'est obligé de rire. Est-ce que Michel Tremblay sait que c'est joué? Oui, on l'a rencontré au Centre culturel canadien. Il était là. À Paris. Oui, à Paris. Il était là pour quelques jours. Il était là pour quelques jours quand parce que c'est produit Les Belles-Sœurs au Théâtre du Rond-Point. Voilà. Et donc, nous, on voulait absolument qu'il vienne nous voir. Mais il n'avait pas le temps. Son agenda était déjà rempli depuis très longtemps. Et donc, il n'a pas pu nous voir. On était très déçus. Parce que je pense que ça lui aurait beaucoup plu. Ben, je comprends pas pourquoi, à chaque fois qu'une pièce est jouée, il le sait, que ce soit en Allemagne, je comprends pas pourquoi il est... Il le sait parce qu'on lui paye des droits d'auteur. Et Christian Bordelot, donc le metteur en scène. Mais je comprends pas qu'il était surpris et qu'il n'a pas pu... Christian Bordelot donc l'avait prévenu qu'on jouait mais on avait juste les premières dates donc du 3 novembre au 8 janvier et Michel Tremblay est venu pendant Les Belles-Sœurs et en fait entre-temps nous on a été enfin l'Essaillon à Paris nous a proposé de venir jouer chez eux. Donc on a été un peu pris de court quand on a su qu'il venait et donc on lui a dit mais puis finalement son planning était déjà fait et comme c'était la production des Belles-Sœurs en fait qui payait l'aller-retour, c'était un peu délicat de leur demander d'ajouter des sous pour changer le billet d'avion et puis en gros il était tous les soirs au rond-point. Donc il était pas disponible pour nous et thank you. nightmare's claw. Thrice crows the dawn, cock of misters on the moor. Tossed one cries from croaking gills, thank God I'm not forsaken. From the hellish depths of sleep, at last I am awakened. Tossed one flushed his kidneys, rain a golden shower. Pleased to piss a good pub, fully shat upon the hour. Tossed filled his belly, the trench of ox's tongue. Suckling pigs stuffed with pigs into his guts he flung. Oh, belly and the dancers may wear hunger aids, our strength and taste. Wheels spin the dirty hubs, rim the bells and beat the drum. Lustily and please against the sun. All around the hurry of the laughing maidens run. Tossbone warms his cuppies through the flower adds a yeast. In the field by Tanner's mill he plays a two-back beast. Twist his spin and close the hole. Stoke the fire and blow the coal. The wheel spins the dirty arms. Ring the bells and beat the drum. Shelly reels and dance insane. The hunger lays no strength and taste. Wheel spins the dirty arms. Ring the bells and beat the drum. Dogma and slipped into a schism. Trial is quick, the sky grew dark and led him from the prison. Tied into a stag of oak, lit a fire of wood and coke. Crowd sang his bacon smoke, bells rang out, Tossbone's croaked. Tossbone in the flaming sky was through the fires of hell. But bestial demons threw the damned screaming as they fell. Two leopards of burning coals. Tossbone threw up his last bowl, mingled with the soup, his soul. Tossbone rises early, sprung from that mess claw. Thrice crows the dark cock of misters on the moor. Twist his spigot, close a hole. Stoke the fire and blow the coal. The wheel spins the dirty arms. Ring the bells and beat the drum. Le silence à la radio. Le silence à la radio. Hein, ça fait peur. Les gens craignent le pire, là. Faut bien leur donner ça. C'est une sensation extrêmement intéressante. L'adrénaline. Allô? La ligne? Oui, c'est l'adré. L'adré est là? L'adré est pas là. Bon, on va l'attendre. Pas trop longtemps, là. T'as déjà 20 secondes de partie. Oh, mon Dieu. Cette semaine et ça, jusqu'à l'épuisement du concept, nous mangerons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons et poursuivrons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe procédure. Procédure. Alors, nous procédons maintenant à la nomenclature de ce mot, surtout à la façon de le digérer à travers les mots. Nous chercherons un avenue non traditionnel pour en arriver à l'accoucher. Ça ne prendra pas 9 mois, monsieur le colonel, je vous le jure. Ça ne prendra pas non plus 2 jours. Ni 48 heures, ni 24 heures, de 4 à 14 heures. C'est quoi de 24 à 14 heures? De 12 à 17, de 3 à 11, de 7 à 8. J'en fais du temps. Minuit à 8, 8 à 4, 4 à 8, 8 à minuit, minuit à 8, et vis, et vis, et vis. Plus ça tourne, plus c'est dans le vis. On peut pas dire, oh, moi, je vais me limiter à une procédure de travail qui se limitera. On l'a dit limite. Oh oui, on, c'est illimité le mot limite. On peut s'offrir ça actuellement, là. Un mot que l'on peut dire 25 000 fois, bien ici, c'est fréquent. Oh oui. Mais, M. Tremblay, oui. Avez-vous remarqué que. Bien, c'est certain. On veut pas te. Ouais. On veut pas te mettre dans un embarras, hein, M. Tremblay? Ouais. M. Tremblay, vous l'écoutez depuis le début, là? Ouais. Comment vous trouvez ça? C'est assez, hein? Ouais, c'est assez loin, monsieur. C'est loin d'être bien, mais c'est loin d'être loin. Puis plus c'est... moins c'est... c'est clair, ça, hein? Comme de l'eau de froche. Non, comme de l'eau de cloche. Parce que lorsque les gouttelettes tombent sur la grosse galoche, ça fait des berlingues, des berlingues. C'est vrai ça, monsieur? Oui. Ben oui. L'avez-vous observé hier? Oui. À l'église Saint-Hubert? Oui. À trois pieds de Mme Tremblay? Oui. La galoche est... hein? C'est envolé puis est tombé à ses pieds. Oui. Puis elle s'imaginait à voix pas claire. Elle dit, un moineau. Et si tu vois les moineaux gros de même puis qui sonnent autant, c'est pas un cuicui, ça fait de la guéling. Des guélings, des guélings. C'est une cinglée. On est devant une possédée de l'absurde. Il faut l'enfermer, mais elle est trop bonne en cuisine. Elle nous fait plaisir. Elle nous fait jouir les paquets et les papilles gustatives. À qui? Les mamies gustatives. Les papilles gustatives aiment danser dans nos bouches lorsque les mets qu'elle nous concocte nous arrive dans l'ouverture de la jouissance infinie. Hey, c'est beau, ça! Oh, ben, merci, madame. On la tolère pour son grand talent. Faut tolérer pour le talent des gens. Faut pas rater un public qui nous amène quelque chose de plaisant. Les autres, les déplaisants, on les rappelle pas, on les regarde pas. On les ignore. Happening at all. Every time she puts on her radio, nothing going down at all. Not at all. One fine morning she puts on a New York station. She couldn't believe what she heard at all. Not at all. She started dancing to that fine, fine music. Her life was saved by rock and roll. Rock and roll. Despite all your limitations, you could dance to a rock and roll station, and then it's alright. Alright, alright, baby. When she was just 5 years old, there was nothing happening at all. Not at all. Every time she puts on the radio, there was nothing going down at all. Not at all. One fine morning she puts on a New York station. She couldn't believe what she heard at all. Not at all. Started dancing to that fine, fine music. Her life was saved by rock and roll. Rock and roll. Despite all your reputations, You could dance to a rock and roll station, and then it's alright. Despite all your reputation, you could dance to a rock and roll station, and then it's alright. And it's alright. Premier rôle en professionnel, ouais. Et tu rentres quand même dans l'école des grands avec Tremblay, c'est... Et surtout l'accueil que la pièce a eu. Alors, moi, je... D'autres scénaristes, d'autres... Après Marie-Lou, je sais pas ce qui arrivera. J'ai eu des retours positifs, mais j'ai rien eu de concret pour l'instant. Okay. Donc, pas de proposition de mise en scène. C'est pas... quand même un tremplin pour aussi, Avignon, vous allez être... Ben c'est une belle vitrine en tout cas, ça c'est sûr. Déjà jouer pendant 6 mois la même pièce à Paris avec les retours du public et les retours de la presse quoi, qui ont été vraiment excellents, ça c'est une belle vitrine. Et puis ensuite, ben voilà, terminer par le Festival d'Avignon, c'est super. Et peut-être qu'il y aura une suite du coup. On a déjà des propositions pour une suite quand même. Ah oui, on a des propositions de tournée. Oui. On a quelques dates. On a des propositions de tournée en province, donc ça c'est super. Alors on aimerait beaucoup retourner à Paris dans un théâtre comme le Lucernaire ou le Petit Montparnasse. Voilà. Encore mieux à Québec. Moi j'aimerais bien. Ah bon, Québec, ce serait génial. Il y a un festival québécois à Québec et donc il y a plein de protagonistes qui viennent d'un petit peu partout, Allemagne, Suisse, Belgique. Et donc ce serait peut-être une idée. On adorerait, faut en parler. Oui, ben écoute. Non, et puis à Québec, j'ai tous mes amis de fac qui vont venir. Ah, ben voilà. Ça serait bien, parce qu'ils ne peuvent pas venir, là. Mais ça pourrait amener de l'eau au moulin, ça serait bien. Et puis le temps... Et croyez-vous que Avignon, en plus d'Avignon, c'est la place, c'est le mois du théâtre, tout le monde est oui. Et là, tout le monde prépare sa petite pièce, son petit truc. Ouais. Ça pourrait peut-être relancer et ramener encore d'autres individus et d'autres critiques à... Ah oui, c'est bien sûr, c'est Avignon en fait. Avignon, c'est une vitrine pour... on sait que pendant 3 semaines, les journalistes sont là, les programmateurs sont là parce qu'ils viennent faire leur programmation de la saison 2000. Bah là, cette année, ils vont faire leur... ils vont même faire 2013-2014, voilà, c'est un an avant. On le sait qu'ils sont là, donc après oui, c'est les attirer. C'est le carrefour des professionnels du milieu du théâtre, quoi, donc c'est un moment hyper important. Le problème, c'est que vous pouvez avoir d'autres contrats. Donc, on va s'arranger, c'est du jonglage de toute façon ce métier. Hein. On est sur une pièce de théâtre et puis c'est là qu'on nous propose un tournage. Donc bon, faut jongler. Faut... Et toi, après-demain, tu prépares un autre truc, c'est ça? Alors moi, il se trouve que je prépare une mise en scène là, qui va jouer à l'Essaillon, un Tchekhov mais comique. La demande en mariage et l'ours. Ah oui. Et j'ai une très belle équipe de comédiens vraiment très talentueux. Est-ce que c'est ta première C'est ma première mise en scène. On l'a joué déjà deux fois. Et ça a été un succès à chaque fois. Et donc, on est content. Et on va être à l'affiche de septembre à mi-janvier à l'Essaillon, les lundis et mardis à 20h. C'est déjà de saisie. Je fais la pub. On appelle ça une plug chez nous. Voilà. Mais pour t'avoir vu sur scène, qui est venu t'approcher pour faire la mise en scène C'est moi qui ai décidé. C'est mon initiative personnelle. Je voulais, ça commençait à me titiller de faire de la mise en scène, de faire de la direction d'acteur. Et donc, j'ai cherché pendant un an un texte à la CSCD, dans les librairies, dans les bibliothèques, partout. Et puis, je suis tombée sur ce texte qui est très connu, La demande en mariage et l'ours, qui est très drôle, vraiment super, de Tchekhov, et que je ne connaissais pas. Pourquoi cette pièce-là? Parce que j'ai trouvé que c'était génial. Ça parle du couple, c'est très drôle, c'est très grinçant. Ça parle... Oui, puis ça parle de choses universelles, quoi. Cette impossibilité qu'on a de communiquer entre les êtres humains, entre l'homme et la femme. C'est un peu comme Châtiment de Roussy, hein. Voilà, mais c'est ça, exactement. Là, on est dans le milieu des propriétaires terriens, on n'est pas chez Prolétaire comme chez Michel Tremblay, mais ils ont, dans la demande en mariage, ils ont un problème de clôture. Donc, tout le monde, c'est complètement universel, ça, ce problème de clôture. Est-ce que c'est surréaliste? Ah oui, ça va vers le burlesque, vers le surréaliste. C'est très drôle. Non, pas tout à fait. Non, c'est pas du Ionesco, mais c'est vrai que c'est un comique qui tourne un peu à l'absurde parce qu'ils se mettent dans des états pas possibles. C'est des personnages très impulsifs, très apoplexiques. Donc, tout d'un coup, ils se sentent menacés dans leur propriété. Et c'est un thème vraiment universel, c'est-à-dire tout le monde a un problème de clôture avec son voisin, mais même ça peut être aussi le problème israélo-arabe. Rocks when Monday comes around. door. We'll be right back. tries to raise it. I'm searching for my midline. I couldn't hit it sideways. No, I said I couldn't hit it sideways. Or just like suck it at me. Oh, excellent. Time. She's busy sucking on my ding dong. Yeah, she's busy sucking on my ting dong. And now do it like Sister Ray said. Sister Ray, Sister Ray. I couldn't hit the sideways. Oh, I couldn't hit the sideways. Oh, just like. Chamber door. Now could it be the police? They come and take me for a ride. But I haven't got the time. Hey. I'm searching for my midline. Sideways, I couldn't hit it sideways. Look just like doing that, doing it, just like. Tu disparais, apparais. Putain, faudrait savoir. Et la jambe perd la mémoire. Et savoir qui est la plus belle de vous deux. Savoir qui est la plus belle de moi. Elle est amoureuse, savoir. Et la jambe perd la mémoire. Savoir qui est la plus belle de vous deux. Savoir qui est la plus belle de moi. Elle est amoureuse, savoir. Et la jambe perd la mémoire. pièce de Claude Meunier, qui est un auteur québécois, et qui s'appelle Les Voisins. Tu iras voir sur Internet. Ah ouais, j'irai voir. Et je vais le noter tout à l'heure. Ouais. À un moment donné, je ne sais pas si vous connaissez ça, le frisbee. Oui. Ok, ouais, ouais, frisbee, c'est international, oui. Les fois, on peut avoir... Frisbee, ça s'appelle frisbee en France aussi. Ah bon, ok, bah, alors c'est merveilleux. Alors, le frisbee, ok, c'est un homme qui est un peu renfermé, qui est marié avec une femme qui aime trop, mais qui reste avec. C'est un peu de bibelot, donc. Et lui, il travaille sur sa haie. Ouais. Et là, sa haie, c'est toute sa vie. Puis là, il y a un des fils d'un autre protagoniste qui prend le frisbee et qui le tire dans sa haie. Et là, il sort à l'extérieur et là, comme on dit chez nous, il pète sa coche. Ouais. C'est-à-dire qu'il monte un drame incroyable. C'est ma vie, ça est là. J'y mets toute mon énergie. Puis c'est vraiment. Tu me ça. Mais c'est exactement ça, la haleine dans un mariage. C'est-à-dire. Il est question d'un petit lopin de terre qui vaut rien. C'est des gens, c'est des propriétaires terriens qui ont des propriétés immenses avec des terrains, des hectares. Là, il s'agit d'un tout petit terrain. Et sur ce petit lopin de terre, ils vont devenir fous. Alors que le garçon était venu demander en mariage la fille. Enfin, et donc, ils vont devenir fous à cause de ces histoires. Mais c'est un tournant, puisque c'est vraiment pas le prime abord ce que le mec allait dire à la personne qui va les faire exploser. Tu sais, il s'en va de offrir la main. Oui, c'est ça. Et là, mais c'est pas ça, c'est sur un autre, autre truc que ça descend. Et, ouais. Et c'est de là l'humour, peut-être. Et... Ah oui, c'est très, très, très drôle. Et c'est ça part en folie. Hein. Et est-ce que c'est à un acte? Alors, c'est deux pièces en un acte, c'est La demande en mariage, okay, et L'ours. Alors moi, dans mon choix de mise en scène, parce que je trouve que c'est difficile les diptyques, les triptyques, où il faut relancer l'attention du spectateur, moi, j'ai fait une adaptation, j'ai rien changé au texte de Tchekhov, mais dans ma mise en scène, j'ai réussi à fondre les deux. C'est-à-dire qu'elles se suivent, mais on a l'impression que c'est le même spectacle, c'est la même histoire qui se continue. Et toi, c'est en lisant que tu as vu la mise en scène automatiquement? J'ai pas tout de suite vu ça, mais c'est en travaillant dessus, je me suis dit, mais oui, bien sûr, c'est tout à fait une possibilité de le monter. Et c'était évident pour toi. C'était évident, et des gens qui l'ont vu, qui ont vu ma mise en scène, m'ont dit, mais oui, en fait, c'est évident, alors qu'en fait, moi, je l'ai jamais vu monter comme ça. Okay. Est-ce que tu l'as déjà vu monter tout court? Ouais. Bah oui, parce qu'une fois que j'ai trouvé le texte, je me suis intéressée de près à tout ça, et donc j'ai voulu voir des mises en scène. Et tu l'as déjà vu comment, sur Internet ou Alors sur Internet, sur l'Officiel des spectacles, qui est le petit journal de bord des Parisiens pour aller au spectacle. Donc c'est avant-scène, là, c'est... Voilà, j'ai fait des recherches vidéo sur Internet, sur YouTube, tout simplement. J'ai vu comment c'était monté et tout. Et, Mais en fait, tu dois t'inspirer et non pas copier. Mais non, ça ne m'a pas inspiré du tout. J'ai pas aimé ce que j'ai vu. C'est pas prétentieux ce que je dis. Hein. C'est pas par prétentieux. J'avais une autre vision et je voulais absolument pas... parce que souvent, c'est joué de façon assez... assez tacada poète. Et moi, je voulais. Un vaudeville. Oui, mais c'est un vaudeville. Et moi, je le montre comme un vaudeville, ça, parce que ça, c'est... on peut pas trahir ça. C'est de la farce, hein, c'est du vaudeville. Mais pour moi, c'était important que tous les comédiens soient hyper sincères. Et c'est ça. S'ils croient. Au premier degré, quelque chose est au-dessus. Il faut qu'on croie absolument à la situation pour que ce soit drôle. Sinon, si déjà on commence à en faire des caisses dès le départ, on n'y croit pas. Okay, il faut que les comédiens soient absolument sincères pour que ce soit drôle. Okay. Et moi, dans ce que j'ai vu, j'ai vu des choses qui étaient... des choses, il y avait des choses pas mal du tout, hein, mais voilà, il y avait la c'était pas la cuisine que je souhaitais faire. Ah oui, oui, oui. Okay. Et puis là, toi, tu vas présenter ça bientôt, parce que tu commences déjà après-demain à pratiquer cette pièce-là, à mettre en scène la pièce. Ben, elle est déjà mise en scène, en fait. Okay, okay. Et là, je suis en train de créer une deuxième distribution dans laquelle je vais jouer en alternance avec la première distribution. C'était une façon d'arranger les comédiens. C'est une très belle équipe où on fait une vraie belle aventure ensemble. C'était pour pas qu'il y ait de carambolage, parce que c'est des comédiens qui sont très pris, qui ont beaucoup de tournages. Donc je voulais pas qu'ils loupent un tournage s'ils avaient une représentation du Tchekhov. Donc j'ai créé une deuxième distribution pour qui va jouer en alternance. Est-ce que c'est possible de jouer dans sa propre pièce C'est difficile, ça demande beaucoup de travail, mais en même temps... Alors, pour l'instant, personne. Okay. Pour l'instant, personne. Mais je vais avoir un petit œil directeur quand même pour... Tu n'as pas pensé de placer une caméra pour voir si... Non, j'ai pas envie de travailler. Je sais qu'il y en a qui travaillent comme ça avec des caméras. Moi, j'ai pas envie de travailler comme ça. Okay. En même temps, comme la mise en scène est déjà faite, le fait d'être dans la deuxième distribution, il y a un côté... Je me glisse... L'œil extérieur a déjà eu lieu. Donc après, c'est un œil extérieur, je pense que... J'aurais pas fait ça pour la création. les yeux, que je ne puisse plus voir. Arrache-moi les mains, que je ne puisse toucher. Arrache-moi les ongles, la douleur jusqu'au bout des doigts. Arrache-moi le cœur, que je ne puisse plus avoir peur. Arrache-moi la tête, que je ne puisse savoir. Arrache-moi les oreilles, que je ne puisse t'entendre. Arrache-moi les... la douleur jusqu'au bout de moi. Arrache-moi le cœur, que je ne puisse plus avoir peur. C'est mon voisin qui m'aide le marché, qui m'amène mon pain, qui m'amène mes sous. Quitte à gagner moins, quitte à m'incliner, I'm so sorry, même si j'ai bûché toute la terre chez nous, just for you. Mais là, à l'avenir, va me dire que ça me tente de faire mes affaires. OK, c'est à mon tour d'ouvrir la maison. C'est à mon tour d'ouvrir à du beau monde, de partout. Les fouleurs de riz sont bienvenus chez nous. J'ai toujours pensé à faire de mes mains mon propre sentier, pour mon propre bien, à mon propre goût. Et puis même si mon voisin rentre sans sonner, moi, tu sais, j'aimerais se garder toutes mes clés chez nous. Ça fait que là, à l'avenir, va me dire que ça me tente de faire mes affaires. OK! C'est à mon tour d'ouvrir la maison chez nous, pis de pas me gêner pour dire que je l'aime, pis que c'est de même que ça se passe, que j'ai goût. C'est à mon tour d'ouvrir à du beau. C'est à mon tour d'ouvrir la maison chez nous, pis de pas me gêner pour dire que je l'aime, pis que c'est de même de que ça se passe, de que j'ai goût, moi. C'est à mon tour d'ouvrir à du beau monde, de partout. Les fouleurs de rire sont bienvenus chez nous. j'aurais pas fait ça pour la création. Je me serais jamais mise en tant que comédienne pour la création du spectacle alors que je le mettais en scène. C'était dur beaucoup de se mettre en scène. C'était beaucoup trop dangereux. Ouais. Tu vois la personne que tu vas remplacer et tu essaies de recréer les mêmes mouvements en étant toi-même. Oui, c'est ça. Bah, en fait, j'essaye de me remettre, je repars à zéro en me remettant dans la situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça raconte? Par où ça passe? Mais qu'est-ce que vous amenez au théâtre, vous deux? Hein? Qu'est-ce que vous amenez au théâtre à l'origine? Ah ben, moi j'ai eu la révélation quand j'avais, je ne sais plus quel âge j'avais, j'avais 15 ans je crois. Enfin, j'avais passé des vacances avec une amie, on faisait un tour en bagnole en Corrèze, c'est un département en France, dans le centre de la France. Et on faisait la tournée des festivals de théâtre, parce qu'on aimait beaucoup ça déjà. Ah oui, c'est rare à deux. Et il se trouve que je me suis retrouvée dans un petit village où il y avait un festival avec une pièce de théâtre, c'était Ruy Blas de Victor Hugo. C'était sur les ruines, c'était en plein air, sur les ruines d'une église du Moyen-Âge. Et c'était la nuit, la lune montait, il y avait la forêt de sapins derrière, c'était magique. Et je me suis dit, non en fait j'avais pas 15 ans, non à 15 ans j'avais déjà le goût du théâtre, mais en fait j'avais 18 ans. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire ce métier. Voilà. Et toi ? Bah, en fait, moi, c'est totalement différent. Mes parents ont une compagnie amateur de théâtre. Donc, à côté de Paris, là, en banlieue. Et en fait, donc, ils ont un métier, mais ils font du théâtre par passion. Donc, en fait, mon père donnait des cours pour enfants, ma mère pour adultes. Et en plus, ils montaient des spectacles avec des copains qui faisaient ça aussi. Et donc, en fait, moi, dès 3-4 ans, j'ai été balancée dans les cours de théâtre de mon père. Voilà, j'allais avec les autres enfants de mon âge prendre des cours. Et donc, très vite, j'ai voulu faire ça. Mais vraiment très très vite, donc j'ai continué les cours avec des cours pour enfants sur ma ville. Après, quand je suis rentrée donc au collège, qui est le début du secondaire, je crois, à peu près, au collège, il y avait un club théâtre qui s'est fermé, donc je l'ai rouvert avec l'aide d'une prof pour pouvoir continuer à faire des choses. Et après, je suis allée dans un lycée pour passer l'option théâtre au bac, cégep. Oh oui, voilà. Non, il n'y a aucun problème. Oui. Et donc voilà. Et puis après, je suis rentrée à l'université pour faire du théâtre. J'ai et pourquoi des écoles. L'Université Laval, qu'est-ce que... Alors moi, c'était un rêve d'enfant d'aller au Québec. Ça, c'était vraiment une volonté. Et je voulais faire ça tout en faisant du théâtre. Donc, avec mon université, j'avais que l'Université Laval pour le théâtre. Mais voilà. C'est ça, tu peux être comédienne à l'Université à Laval? Non, c'était pas être comédienne, c'était vraiment faire une licence. Okay. C'était finir ma licence, donc j'étais finissante au bac à l'Université Laval. Ah, ouais. Mais c'était un échange avec mon université à Paris. Ah. Et voilà, moi, c'est un choix que j'ai fait d'aller là-bas. Et j'ai vraiment eu envie, parce que déjà, je voulais aller au Québec et que je me suis... Pourquoi je me suis rapidement intéressée à la dramaturgie québécoise? Je me suis dit, le mieux pour la connaître vraiment, c'est d'aller là-bas. Ben oui. Voilà, parce que je connaissais Danis. Voilà, je connaissais Tremblay, Danis et après moi, Wad. Et je voulais en voir d'autres. Et je voulais en connaître d'autres. Donc, je suis partie là-bas où j'ai découvert vraiment Fréchette, Suzanne Lebeau, Denise Boucher, enfin, un peu tous les autres. Une des rares femmes, effectivement. Voilà. Ouais. Et tu t'es donné à manger de la poutine. Aussi. Ok, oui, une poutine, c'est un mec québécois. Frites et sauces, c'est pas mal. C'est pas mal la poutine, enfin, pour les fins de soirée. Oui, c'est. En plein été, c'est dur. Après avoir joué une pièce de théâtre, une bonne poutine. Après avoir bu une bonne bière aussi. Bière poutine aussi, voilà. ça aide la digestion. Non, là, ouais, un peu tout. Ouais. La poutine, la mélasse, les oreilles de Chris, un peu tout. De toute façon, quand on est français et qu'on va là-bas et qu'on a une durée limitée, je pense qu'on mange tout. On te gave au complet. Là, voilà. On t'initie à plein régime. Ouais, c'est ça. Et vous êtes des jeunes comédiennes. Est-ce que vous vous projetez dans quelque chose? Est-ce que vous voyez jouer au cinéma ou si vous consacrez au théâtre? Je veux tout faire, ouais. Moi, je veux tout faire. Tu as joué dans des séries télévisées. Moi, j'ai un peu tourné pour le cinéma et aussi un peu pour la télévision. Pas assez. J'aimerais bien tourner plus. Mais oui, moi, je veux tout faire. Tout est intéressant. Mais c'est vrai qu'au théâtre, on a plus de chances pour qu'on nous donne un rôle intéressant, quoi. un égocentré. Je suis un pas de cœur, un pas de classe, un charmeur, courroyeux, venu-pied. Puis je t'appelle juste quand je l'ai fait têter. Quand j'ai goût de me coller, c'est toi. Quand j'ai pas de scène, que je veux boire puis fumer, tu tomberas à mon goût, à ma santé. Je suis un crotté. Je suis un marbré, je suis de marbre, je suis un plein de marde. Quand j'arrive pour manger, dormir, téléphoner, puis repartir, je suis pressé. J'ai jamais le temps de rappeler, je sais, excusez. J'ai jamais le temps d'aller voir est-ce que c'est ce que vous êtes, puisqu'il y en est dans l'existence qu'on mène. Je suis un infâme. Je suis un sans-âme. Je vis dans mes valises. Qu'est-ce que tu veux, je te dise? C'est une maladie. It's a disease. Je suis en voyage. Je suis un folage. Puis quand on s'adonne, ben c'est parce que c'est le fun. Rien d'autre. C'est en masse. Anyway, je suis un crotté. Charnel, mais pas chat, mais cheap, tu sais. Cheap comme dans le genre qu'on est en quelque part, là, pis que je t'écoute pas me parler, mais que dans le fond, je pense à toi. À toi. Déshabillé. Dans ta peau, dans ta peau, dans ta peau, dans ta peau, dans ta peau, dans ta peau, dans ta peau de madame. Dans ta paupière, Marie-Pierre. Il y a de l'eau, il y a de la bière, il y a de la marmalade. Je suis un infâme. Je suis un sans-âme. Je vis dans mes valises. Qui c'est que tu veux, je te dise? C'est une maladie. It's a disease. Je suis en voyage. Là-bas, là-bas. Je suis un volage. Les bras comme ça. Puis quand on s'adonne, ben, c'est parce que c'est le fun. Rien d'autre. C'est en masse. Anyway. Pas facile ce que je vis. Là, le fun de même, là, tu te promènes, tu butines, tu te rassais de l'autre bord. T'as bien à travailler fort. Ouais, mais là, penserai pas à ma vie de même, certain. T'entends pas, pas le goût, rien savoir de ça. À un moment donné, un gars se tranquillise. Un gars se rassait, de se rassir, tu veux dire. Pis c'est de même, pis c'est tout. Y a pas de mal à ça. Qu'est-ce que c'est ça? Un gars se rhabille, la calotte, les bretelles, pis c'est fier. Ça marche drette, tu sais. Je cherche des diseaseux. Des semeux, des gros laboureux. Je cherche des guerriers fiers, même la tête baissée, des déjoueurs de menterie, des aideurs de malpris. Hey, ma gang de malades, vous êtes dans où? Ma gang de malades, vous êtes dans où? Ma gang de malades, vous êtes dans où? Les toches brûlent. Mais mets-toi donc ça dans la tête, que ça changerait rien si je déménagerais. Marie-Louise, les toches brûlent. Je les entendrais pareil, Carmen. Je suis pas capable de me débarrasser de leur voix. Marie-Louise, les toches brûlent. Veux-tu être si près? C'est vrai que tu te tiens. Carmen, tu parles moins fort, on va nous entendre jusqu'au septième voisin. Excuse-moi. C'est pas ça que je voulais dire, mais t'as une passion d'être dans la lune comme lui. Tu vas réveiller les enfants encore.